sais, Julie, que c'est fini, même si je te supplie, même si je pleure et j'ai pleuré. Je t'ai dit, Julie, qu'enfin j'étais sûr, moi qui doute de tout, sûr d'un Dieu auquel tu ne crois pas. Pas de fou rire dans le ventre, pas d'envie de désir dans la gorge, pas de sourire dans les yeux, pas de couleur. Du noir et blanc qui s'emmerde, de la retenue qui ennuie, de la poésie contemplative que plus personne ne lit. Julie, je suis le gars qui t'a ému, le gars qui t'a fait fantasmer, le gars que t'avais hâte de revoir, le gars qui rêve. Le gars qui disait des choses douces, le gars qui t'a donné envie, le gars qui t'a fait pleurer, le gars qui même si je te supplie, même si